بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Donc toujours dans les cours de Tensil Al-Lam, Sharh Umdat Al-Ahkam. Durant le dernier cours, on avait expliqué quel hadith 64, 65 et 66. طيب, qui se propose pour nous réciter le 64e hadith, qui est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri? Rawahu Barakallahu fik. Le 65e hadith, qui est le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui se propose. Jawad. نعم, رواه البخاري ومسلم. ولمسلم نعم, وفي رواية نعم على بعيره نعم. ولمسلم أحسنت, بارك الله فيك. Et le 66e hadith, qui est le hadith d'Abdullah ibn Omar également, qui se propose. Fadal. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في قباء في صلاة الصبح, إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن, وقد أنزل عليه الليلة القرآن, وقد أمر أن يستقبل الكعبة. وكانت وجوههم إلى الشام. فاستقبلوها. أمرهم يعني إذا زعوردني. فاستقبلوها أي الكعبة. نعم. استقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أحسنت. بارك الله فيك. ثم يقول المؤلف رحمه الله: الحديث 67 عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب, يعني عن يسار القبلة, فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. رواه البخاري ومسلم. Selon Anas ibn Sirin, qui fait partie des Tabi'in, et c'est le frère, comme on le verra par la suite, de Muhammad ibn Sirin, il dit: nous avons accueilli Anas radiallahu anhu. Il parle de quel Anas? Ibn Malik. Nous avons accueilli Anas ibn Malik lorsqu'il est venu du Sham. Nous l'avons rencontré à Ayn al-Tamr. C'est un endroit, on verra où il se situe. Je l'ai vu prier sur son âne et son visage était décalé, c'est-à-dire à gauche de la Qibla. Je lui ai dit: je t'ai vu prier vers une direction qui n'est pas la Qibla. Il a répondu: si je n'avais vu le professeur Asselem le faire, je ne l'aurais pas fait. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Yaqulu al-Sheikh al-Bassam rahimahullah al-Mufradat. أنس ابن سيرين أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين. أنس ابن سيرين c'est le frère du grand imam et du tabi'i réputé Muhammad ibn Sirin. Thaniyan, Ayn al-Tamr, baldatun ala hudud al-Iraq al-Gharbiya, yakthuru fiha al-Tamr. Ayn al-Tamr, qui est une contrée dans les limites, dans les frontières de l'Irak. De quel côté? Al-Gharb? L'ouest. Dans la frontière ouest de l'Irak. Et c'est une contrée dans laquelle il y a beaucoup de dattes. D'où son nom, Ayn al-Tamr. Al-Ma'na al-Ijmari, le sens général. Qadima Anas ibn Malik al-Sham. ولجلالة قدره وسعة علمه استقبله أهل الشام فذكر الراوي وهو أحد المستقبلين أنه وهو أحد المستقبلين أو أحد المستقبلين أنه رآه يصلي على حمار وقد جعل القبلة عن يساره فسأله عن ذلك فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأنه لو لم يره يفعل هذا لم يفعل. Le sens général du hadith. Anas ibn Malik est venu au Sham. Et, car sa place est grande, et de par sa science vaste, eh bien les gens du Sham l'ont accueilli. Et le rapporteur du hadith, qui fait partie de ces personnes qui l'ont accueilli, l'a vu prier sur un âne, en priant ou en plaçant la qibla à sa gauche. Il lui a questionné à ce sujet, et Anas, radiallahu anhu, lui a informé qu'il a vu le professeur sallam faire ainsi, et s'il ne l'avait pas vu faire ainsi, il ne l'aurait pas fait. Il y a deux versions de ce hadith, et une divergence des savants, sur Anas ibn Malik venait-il du Sham ou allait-il au Sham? Dans la version qu'a cité ici l'auteur, Hina qadima min al-Sham, c'est-à-dire lorsqu'il est venu du Sham. Ça veut dire qu'il n'était pas au Sham, c'est-à-dire qu'il quitte al-Sham et qu'il va vers une autre destination. Et une autre version, c'est dans Sahih Muslim, Qadim al-Sham, lorsqu'il allait vers le Sham. Les savants qui ont dit que la version la plus authentique est celle de Bukhari, parce que dans le Bukhari, Qadim min al-Sham. Et ils ont dit que Anas, radiallahu anhu, est venu du Sham et qu'il se dirigeait vers l'Irak. Et que Anas ibn Sirin était à Basra, al-Basra, et qu'ils sont partis l'accueillir. Car Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était respecté de par son statut de compagnon, mais aussi de par sa science, et ils sont partis l'accueillir. Ils ne font pas comme on le fait ici, d'accueillir les gens chez soi ou à la porte de leur maison, mais non. Ils sont sortis et l'ont accueilli dans la route. Dans la route, et ils l'ont rencontré dans la frontière, à la frontière ouest de l'Irak. Et d'autres savants ont dit que Anas ibn Malik est venu vers le Sham, est venu au Sham, et que sont les gens du Sham qui l'ont accueilli. Et c'est cette deuxième version qu'a apparemment choisi l'auteur du livre, Cheikh al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Ma yu'khadu min al-hadith. Et l'imam Nawawi également l'a choisi dans son l'explication de Sahih Muslim. Quant à Al-Hafid ibn Hajar, il dit que c'est une erreur de dire que Anas est parti au Sham, mais il en venait. Ma yu'khadu min al-hadith. أولا الحديث لم يبين صلاة أنس هذه أفرض هي أم نفل ومن المعلوم أنها نفل لأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه أنس غيره. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, que le hadith ne montre pas la prière de Anas qu'il a faite sur son âne, était-ce une prière obligatoire ou surérogatoire. Et ce qui est connu, c'est que c'est une prière surérogatoire, car c'était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et c'est ce qu'a vu Anas radiallahu anhu. Thaniyan, إن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت به راحلته. Deuxièmement, on déduit de ce hadith que la qibla du prieur qui prie sur une monture, que sa qibla, c'est la direction vers laquelle se tourne sa monture. ثالثا, جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو كانت حمارا. Troisièmement, l'autorisation de prier une prière surérogatoire sur une monture en voyage, même si cette monture est un âne. طيب, باب الصفوف, الحديث الثامن والستون. Puis l'auteur entame le chapitre des rangs, le 68e hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة رواه البخاري ومسلم. Selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, alignez vos rangs, car l'alignement des rangs fait partie de ce qui complète la prière. رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي, يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم فهو هنا يأمرهم بأن يسووا صفوفهم بحيث يكون سمتهم نحو القبلة واحدة ويسدوا خلل الصفوف حتى لا يكون للشياطين سبيل إلى العبث بصلاتهم وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصفوف وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها وأن إعوجاج الصف خلل ونقص فيها. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte ses compagnons et sa communauté et leur explique et les dirige vers ce qu'il y a leur bien et leur réussite. Et dans ce hadith, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne sa communauté d'aligner leur rang afin que leur posture face à la qibla soit unique et de fermer les trous qu'il y aurait dans le rang afin que les diables ne trouvent pas de chemin pour distraire les gens dans leur prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à sa communauté les bienfaits qu'ils bénéficieraient en alignant leurs rangs, et à savoir que le fait d'aligner les rangs est un signe qui permet de compléter la prière et de la faire de façon complète, et que Iwijaj al-Saf, et que des rangs non alignés et tordus, eh bien, sont un trou et sont un manquement dans cette prière. Al-ahkam al-mustanbata min al-hadith. Ce que nous retient du hadith. أولا المشروعية تعديل الصفوف في الصلاة باعتدال القائمين بها على سمت واحد من غير تقدم ولا تأخر. Premièrement, qu'il est légiféré d'aligner des rangs pendant la prière, en alignant ceux qui sont debout et en faisant deux, ou en leur ordonnant d'avoir une seule et même posture, ni en s'avançant, ni en reculant. ثانياً, إن تسويتها سبب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحباً كما هو مذهب الجمهور وقيل بوجوبه لحديث لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. Deuxièmement, que d'aligner les rangs fait partie de ce qui complète la prière. Ainsi, d'aligner les rangs est préférable et c'est l'avis de la majorité des savants. Et certains ont dit qu'il est obligatoire, c'est-à-dire d'aligner les rangs, et en utilisant le hadith, alignez vos rangs, ou bien alors Allah créera une division entre vos visages. Ou Allah divisera vos visages. ثالثا كراهة اعوجاجها وأن ذلك نقص في الصلاة. Troisièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est qu'il est détestable que les rangs ne soient pas droits et alignés et que ceci fait partie des manquements dans la prière. رابعا فضل صلاة الجماعة وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف متسبب عن صلاة الجماعة. Quatrièmement, l'on retient de ce hadith le mérite de la prière en groupe, car la récompense qui est citée ou qui est obtenue en alignant les rangs est obtenue grâce à la prière en groupe, grâce à la prière en groupe à la mosquée. خامساً قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم. فقد أخرج مسلم عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. Cinquièmement, il a été dit que parmi les sagesses de l'alignement des rangs, c'est le fait d'imiter et de faire comme les anges lorsqu'ils se mettent en rang. Muslim, dans son Sahih, rapporte selon Jabir ibn Abdullah qu'il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti une fois et a dit: n'allez-vous pas aligner vos rangs comme les anges s'alignent devant leur Seigneur? Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, et comment les anges s'alignent devant leur Seigneur? Il a dit: en complétant les premiers rangs et en alignant leurs rangs, en étant alignés sur leurs rangs. Donc ceci fait partie des sagesses qu'il y a derrière le fait de s'aligner ou d'aligner les rangs, et que cela est une ressemblance aux anges. Et le fait de ressembler aux anges ne peut être qu'un mérite et que quelque chose de louable. الحديث التاسع والستون عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه البخاري ومسلم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. رواه مسلم. Le 69e hadith. Selon Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, il dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: vous allez aligner vos rangs, ou alors Allah créera une divergence entre vos visages. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alignait nos rangs comme s'il alignait une flèche. Et lorsqu'ils voyaient que l'on avait compris son message, jusqu'à ce qu'ils voyaient qu'on avait compris son message. Puis, il est sorti un jour. Il s'est levé jusqu'à presque dire le takbir. Il a vu un homme qui a fait apparaître sa poitrine. Et il a dit, serviteur d'Allah, vous allez aligner vos rangs ou Allah créera une divergence entre vos visages. Hadith rapporté par Muslim. Gharib al-hadith. Aqalna bi fath al-qaf ay fahimna ma amarna bihi min at-taswiya. ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء وقرأ عفلنا فإنه صحف. Premièrement, les termes qui méritent explication. عقلنا حتى رأى أن قد عقلنا عنه. Jusqu'à ce qu'il voyait que l'on avait compris de lui. عقلنا أي فهمنا. Nous avons compris de lui ce qu'il nous ordonnait, à savoir d'aligner nos rangs. Et celui qui le lit « afalna » s'est trompé. Thaniyan, la tusawunna bi dhammi ta'i al-muthannati al-fawqiyyah wa fathi as-sin al-muhmalah wa dhammi al-wawi al-muthaqqalah wa tashdid an-nun wa hiya nun at-tawkid ath-thaqilah wa fi awwalihi lam al-qasam. Vous allez aligner vos rangs. Et c'est une formule qui est utilisée pour appuyer. C'est un ordre appuyé du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ou للتقسيم أي أن أحد الأمرين لازم فلا يخلو الحال من أحدهما. Et le « et » ici, c'est un « et » qui sépare, c'est-à-dire que l'un des deux cas cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir lieu. Vous allez aligner vos rangs, ou alors Allah créera une divergence entre vos visages. L'une des deux doit avoir lieu. Soit les rangs sont alignés, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala diverge et crée une divergence entre nos visages. Rabi'an, hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Al-qidahu sihamul khashab. حين تنحت وتبرى ويبالغ في تسويتها وتعديلها يعني أنهم يكونون في اعتدالهم واستوائهم على نسق واحد. Comme l'un d'entre nous aligne sa flèche, la flèche en bois qui est ajustée, qui est taillée soigneusement afin qu'elle soit la plus rectiligne possible. Car une flèche qui est discontinue ou qui est tordue, comment va-t-elle se comporter? Est-ce qu'elle va aller droit à sa cible ou est-ce qu'elle va être déviée de la trajectoire? Elle va être déviée. Ainsi, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait soin minutieusement de bien tailler leur flèche et de le faire pour qu'elle soit la plus droite possible. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, ou plutôt, An-Na'man ibn Bashir a donné cette image pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait lorsqu'il demandait à ses compagnons, radiallahu anhum, d'aligner leur rang. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général. Fi hada wa'idun liman la yuqimuna sufufahum fi s-salah. فقد أكد صلى الله عليه وسلم أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى فلا يخالفن الله بين وجوه الذين أعوجت صفوفهم فلم يعدلوها وذلك بأنه حينما يتقدم بعضهم على بعض في الصف فيفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزهو ثم يقابله المتأخر على كبره بالعداوة والبغضاء فتختلف القلوب ويتبعها اختلاف الوجوه من شدة العداوة وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة وهو المحبة والتواصل وذلك لأن الجزاء من جنس العمل وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل فظل يقيمهم بيده حتى ظن صلى الله عليه وسلم أنهم قد عرفوا وفهموا إذا بواحد قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. Le sens général du hadith. Il y a dans ce hadith une mise en garde et un châtiment ou une menace pour ceux qui n'alignent pas leur rang dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en montrant que s'ils n'alignent pas leur rang, eh bien Allah azza wa jalla créera une divergence entre leurs visages, entre les visages de ceux qui auront été ou dont les rangs ne sont pas droits. Et ceci, lorsque l'un d'entre eux s'avance, pourquoi est-ce que l'alignement des rangs est demandé? Car celui qui s'avance et qui prie devant les autres, qui n'est pas aligné sur le rang, il va être tenté et va être victime d'orgueil. Pourquoi est-il devant les autres? Il va croire qu'il est le meilleur. Et ceci est un mal pour lui. Mais en plus, ceux qui seront derrière lui vont avoir du mépris vis-à-vis de lui et vont le détester de par l'orgueil qu'il aura. Ainsi les cœurs se diviseront. Et la division des cœurs est suivie par la division des visages. Et ceci amène à la rupture et à la divergence entre les musulmans. Et ce qui est demandé lors de la prière en groupe n'a pas lieu, à savoir l'amour que les musulmans ont les uns envers les autres et la communication entre eux et la relation qu'ils doivent avoir les uns avec les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons par la parole et par l'acte. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam alignait les rangs avec sa main sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il voyait que ses compagnons avaient compris ce qu'il voulait, à savoir que les rangs soient alignés de façon minutieuse, à ce moment, et lorsque le prophète sallam s'apprêtait à faire le takbir, takbirat al-ihram, il a vu que le torse de l'un de ses compagnons dépassait du rang. Il s'est alors énervé alayhi salatu wassalam et a dit: vous allez aligner vos rangs où Allah créera une divergence entre vos visages. Et dans un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, le prophète sallam dit clairement: inni arakum min wara'i dhahri. Vous allez aligner vos rangs car je vous vois de derrière mon dos. Et ceci fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il voyait les rangs qui étaient derrière lui sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à faire le takbir. Il était dirigé vers la qibla et il a vu que le torse de l'un de ses compagnons dépassait du rang. Ceci est, comme je l'ai dit, un des miracles du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. الأحكام المأخوذة. أولا ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف وتحريم تعويجها للوعيد الشديد، ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد فيصرف إلى استحباب تعديلها والكراهة الشديدة لعوجاجها، وذلك مأخوذ من الحديث السابق وهو إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, que ce qui apparaît de ce hadith est l'obligation d'aligner les rangs et l'interdiction d'avoir des rangs tordus, car la menace est dure. Mais il y a, dans certains hadiths authentiques, ce qui diminue cette menace et qui transforme l'obligation en préférence et l'interdiction en quelque chose de fortement détestable. Et ceci est pris du hadith précédent dans lequel le prophète Hassan a dit que l'alignement des rangs fait partie de ce qui complète la prière. L'auteur, rahimahullah, est de l'avis de la plupart des savants qui considèrent que l'alignement des rangs est quelque chose de préférable, mais non pas obligatoire. Et d'autres savants, eux, considèrent que le hadith de Nu'man ibn Bashir et d'autres hadiths prouvent l'obligation d'aligner les rangs. Et parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et beaucoup d'autres. Et il y a beaucoup de livres écrits à ce sujet qui prouvent que d'aligner les rangs est obligatoire. Et que le prophète sallam ne peut donner une menace aussi grave pour quelque chose qui n'est pas obligatoire. Wallahu a'lam. Thaniyan, shiddatu ihtimamihi sallallahu alayhi wa sallam bi iqamati as-sufuf, faqad kana yatawalla ta'dilaha bi yadihi al-karima. Wa hadha yadullu ala anna taswiyat as-sufuf min wadhifati al-imam. Deuxièmement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait très attention à ce que les rangs soient alignés. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait personnellement d'aligner les rangs avec sa main bénie alayhi salatu wa sallam. Et ceci prouve que l'alignement des rangs est une tâche qui incombe à l'imam. C'est l'imam qui est responsable de l'alignement des rangs qui sont derrière lui. Thanithan, inna al-jaza'a min jinsi al-amal, faqad tawa'ada bi mukhalafati wujuhihim muqabila mukhalafati sufufihim. Troisièmement, que la rétribution est proportionnelle à l'acte. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menacé ses compagnons qu'Allah Azza wa Jal allait créer une divergence entre leurs visages s'ils ne n'alignent pas leur rang. Rabi'an, ghadab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ikhtilaf as-saff, fayaqtadi al-hadar min dhalik. Quatrièmement, l'énervement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le rang n'est pas aligné, et ceci prouve qu'il faut éviter cela et mettre en garde les musulmans contre ceci. En fait, tout ceci sont des preuves que c'est obligatoire, que le prophète ne se serait pas énervé pour une chose qui n'est pas obligatoire. Et le prophète n'aurait pas donné autant d'importance en alignant les rangs de sa main si cela n'était pas obligatoire. Khamisan fihi jawazu kalam al-imam fi ma bayna al-iqamati was-salah lima yu'radu min al-haja. Cinquièmement, il y a dans cela la preuve que l'imam a le droit de parler entre l'iqama et la prière s'il y a un besoin à cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit la tusawuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum, il a dit quand? Entre l'iqama et la prière, car il s'apprêtait à dire Allahu Akbar. Et une autre preuve que les savants qui considèrent que c'est obligatoire, parmi eux l'imam Ibn Hazm est un des savants les plus connus pour avoir argumenté et prouvé que l'alignement des rangs est obligatoire. Parmi ceux-là, l'autre version du hadith rapportée par Al-Bukhari et autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ » que l'alignement des rangs fait partie de la tenue de la prière. Et Allah Azza wa Jalla nous ordonne « Wa aqimu s-salah wa atu az-zaka » Et ceci prouve que « Taswiyat as-sufuf » et « L'alignement des rangs » est obligatoire. Wallahu a'lam. Al-Hadith al-Sab'oun, le 70e hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رواه البخاري ومسلم ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا رواه مسلم اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. Le 70e hadith. Selon Anas ibn Malik radiallahu anh, il dit que sa grand-mère Mulaika a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un repas qu'elle a préparé pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de celui-ci, puis il a dit: levez-vous que je prie, que je préside la prière pour vous. Anas a dit, je me suis levé et apporté un hasir, qui est un tapis de paille. Un tapis de paille qui avait noirci à cause de sa longue utilisation. Je l'ai alors arrosé avec de l'eau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est positionné dessus. J'ai fait un rang, moi et l'orphelin, derrière lui, et la vieille derrière nous. Nous avons prié deux unités de prière, puis il est parti. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam salla bihi wa bi ummih. فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. Que le prophète sallam a prié ou a présidé la prière pour lui et sa mère. Qui est sa mère? La grand-mère est-elle une mère ou pas? Oui. La grand-mère c'est aussi une mère, comme le grand-père c'est aussi un père. Donc ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec lui et sa mère, c'est-à-dire sa grand-mère, فَأَقَامَنِ عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. Et il m'a placé à sa droite et la femme derrière nous. Hadith rapporté par un musulman. Et l'orphelin dont a parlé Anas, c'est dans Mira, le grand-père de Hussein ibn Abdullah ibn Damira. Gharib al-hadith, fanadhahtuhu bima an-nadhhu ar-rash wa qad yuradu bihi al-ghusl. Fanadhahtuhu, c'est-à-dire j'ai arrosé ce tapis de paille avec de l'eau, et le terme nadh signifie initialement arroser, mais il peut aussi vouloir dire laver. Al-ma'na al-ijmali, دعت ملائكة دعت ملائكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته وقد جبله الله تعالى على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق ومنها التواضع الجم فكان على جلالة قدره وعلو مكانه يجيب دعوة الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير يريد بذلك الأهداف السامية والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين والتواضع للمساكين وتعليم الجاهلين إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة فجاء إلى هذه الداعية وأكل من طعامها. Donc Mulaika رضي الله عنها a invité le prophète صلى الله عليه وسلم à un repas qu'elle a préparé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a inculqué à son envoyé صلى الله عليه وسلم les comportements qui ont le plus de mérite et ceux qui sont les plus élevés. Et parmi ces comportements qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a donné Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'humilité pure et la grande modestie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa grande importance et malgré sa haute place sallallahu alayhi wa sallam, qui était le gouverneur des musulmans, il répondait à l'invitation du grand et du petit, du garçon et de la fille, du riche et du pauvre. Et il voulait derrière cela, oui, il recherchait derrière cela des buts grands, à savoir d'attirer les cœurs des démunis et d'être modeste envers les pauvres et d'enseigner aux ignorants. Et bien d'autres buts qu'atteignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc répondu à cette invitation et a mangé de son repas. ثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزحمون الكبار على مجالسه المباركة فأمرهم بالقيام ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة. فعمد آنس إلى حصير قديم قد اسود من طول المكث فغسله فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وصف أنس ويتيم معه صفا واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت العجوز صاحبة الدعوة من وراء أنس واليتيم تصلي معهم فصلى بهم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم صلى الله عليه وسلم ومن الله علينا باتباعه في أفعاله وأخلاقه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a mangé de son repas, puis il a profité de l'occasion pour enseigner ces pauvres qui peut-être n'assistaient pas à ses assises et ne côtoyaient pas les grands dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a alors ordonné de se lever afin de leur enseigner comment accomplir la prière. Anas radiallahu anhu est parti chercher un tapis qui était vieux et qui a noirci à cause de sa longue utilisation. Il l'a lavé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout dessus et a prié en précisant la prière. Anas et l'orphelin qui était avec lui ont fait un rang derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la vieille, celle qui a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est positionnée derrière Anas et l'orphelin et a prié avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 unités de prière, puis est parti après avoir accompli ses 2 devoirs. Le premier, qui est de répondre à l'invitation, et le second, d'avoir enseigné sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal nous a comblés de bienfaits en suivant le prophète alayhi salatu wa sallam dans ses actes, mais aussi dans son comportement. اختلاف العلماء اختلاف الجمهور إلى صحة مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنافلة مستدلين بهذا الحديث الصحيح لأن أنس وصف صاحبه باليتيم والمشهور من مذهب الحنابلة صحة مصافته في النفل عملا بهذا الحديث وعدم صحة مصافته في الفرض قد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى صلاتي تكون للأخرى لأن أحكامهما واحدة ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل ولا مخصص لذا فالصحيح ما عليه الجمهور وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة وصوبه ابن رجب في القواعد. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur l'authenticité ou la validité d'un rang qui est fait avec un enfant dans les prières obligatoires comme surrogatoires. Et la plupart des savants considèrent que cela est valide. Et ils utilisent comme preuve ce hadith authentique. Car Anas, radiallahu anhu, a fait un rang avec qui ? Avec un orphelin. Et en islam, un orphelin, c'est qui ? C'est une personne qui perd son père avant l'âge de la puberté. Il n'est pas pubère et son père est décédé. C'est lui l'orphelin. Et non pas, comme pourraient le penser beaucoup de gens, celui qui perd à la fois son père et sa mère. Et donc cela prouve que cet orphelin n'était pas pubère, mais il a constitué un rang avec Anas, radiallahu anhu, et le professeur Hassan a considéré ce rang comme étant valide. Et dans ce qui est réputé dans le madhhab de l'Hanabila, c'est que ce rang est valide dans les prières surérogatoires, mais pas dans les prières obligatoires. Mais l'avis le plus sûr, comme cela a été cité à plusieurs reprises, c'est que ce qui est valide pour la prière surérogatoire l'est aussi pour la prière obligatoire, sauf s'il y a une exception, et cette exception doit être prononcée à travers une preuve claire et nette. Et c'est également l'avis qu'a choisi Ibn Aqil, qui fait partie des savants de l'Hanabila, et Al-Imam Ibn Rajab dans son livre Al-Qawaid. ما يؤخذ من الحديث ce que l'on retient du hadith. اولا صحه مصافه الذي لم يبلغ في الصلاه لان اليتيم يطلق على من مات ابوه ولم يبلغ. Premièrement, la validité du rang de celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté pendant la prière, car l'orphelin c'est celui dont le père est décédé et qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. ثانياً, إن الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإمام. Deuxièmement, le mieux pour ceux qui prient derrière l'imam, c'est d'être derrière lui. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Est-ce qu'il est autorisé de prier au même niveau que l'imam ? Oui. Est-ce qu'il est autorisé de prier devant l'imam ? Non. ثالثا ان موقف المراه يكون خلف الرجال. Troisièmement, la place de la femme pendant la prière se trouve derrière les hommes. Même si tu pries avec ton épouse, tu dois te mettre devant et elle derrière toi. رابعا صحه موقف المراه صفا واحدا ما دامت واحده فان كن اكثر من ذلك وجب عليهن اقامه الصف. صحة موقف المرأة صفا واحدا ما دامت واحدة. Que la femme a le droit, ou que cela est appelé un rang lorsque la femme est seule, même si la femme est seule. فإن كنا أكثر من ذلك وجب عليهن إقامة الصف. J'ai pas compris ce que vous voulez dire par là. نعم فإن كنا أكثر من ذلك وجب عليهن إقامة الصف. نعم. À كل حال, une femme qui prie seule, c'est considéré comme un saf. Et si elles sont plus, elles doivent effectivement aligner elles aussi leur rang, au même titre que les hommes. خامسا جواز الاجتماع في النوافل وإن لم يشرع لها اجتماع إذا لم يتخذ ذلك عادة مستمرة. Cinquièmement, ce que l'on retient de ce hadith, l'autorisation de prier une prière surérogatoire en groupe, même si le fait de prier en groupe n'est pas légiféré pour celle-ci, à condition que cela ne soit pas une habitude. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux rak'at qu'il a prié, c'était quoi comme prière? C'était une prière surérogatoire. Ce n'était pas une prière obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela pour enseigner la prière. Et les savants autorisent que les musulmans prient une prière surérogatoire en groupe, comme par exemple de prier la prière de nuit en groupe. C'est une sunna quand? Pendant le ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu a fait revivre cette sunna après, pendant son calife. Mais il n'a fait que revivre une sunna qui existait déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de prier la prière de nuit en groupe à la mosquée fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors du ramadan, est-ce que cela est légiféré? La réponse est non. Mais si des personnes se retrouvent à la mosquée et décident instinctivement, sans qu'il n'y ait de rendez-vous, sans que cela n'ait été prévu à l'avance, mais ils ont décidé comme ça de prier la prière de nuit en groupe. Cela est autorisé. À condition, comme le disent les savants, que cela n'ait pas été programmé, et deuxièmement, que cela ne soit pas une habitude. Que cela ne soit pas une habitude. Contrairement à ce que font beaucoup de groupes égarés qui organisent des veillées nocturnes en disant voilà, tous les jeudis, eh bien, tous les jeudis soirs, on prie ensemble à la mosquée, Qiyam al-Layl, ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Non. Si, justement, j'allais en venir. Non. Il y en a, les tablirs, entre autres, font ça, mais il y a aussi les frères musulmans qui utilisent aussi ce moyen, entre guillemets, le fait d'organiser des veillées nocturnes en priant en groupe la prière de nuit. Cela n'est pas légiféré. De le faire de cette sorte, non. Et ceux qui le font le jeudi soir, eh bien, ils ont fait deux mal, le premier d'avoir innové et le second d'avoir contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne précisez pas la nuit du vendredi en prière, ni sa journée en jeûne. » C'est-à-dire, ne priez pas la nuit du vendredi, qui est pour nous le jeudi soir. De faire la prière nocturne tous les jeudis soirs, et en faisant que ce jour-là, le professeur Hassan nous l'interdit. Comme le fait de jeûner que le vendredi, le professeur Hassan nous l'interdit. سادسا جواز الصلاة لقصد التعليم بها أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة. Sixièmement, l'autorisation de prier dans le but d'enseigner celle-ci ou pour tout autre but islamique qui apporte un bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, à prier pour enseigner la prière à ses pauvres. Et le hadith également connu dans lequel le prophète sallam a prié un jour où est-ce qu'il a prié le prophète sallam un jour pour montrer et pour enseigner aux gens la prière? Sur le minbar. Le prophète sallam a prié sur le minbar, il se levait sur le minbar, priait. Il faisait le recours sur le minbar et lorsqu'il voulait se prosterner, il descendait, se prosternait par terre et remontait sur le minbar. Pourquoi? Pour être élevé et pour que les gens puissent apprendre comment accomplir la prière. Sabi'an, tawadu'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa karamu khuluqih. Septièmement, on retient de ce hadith la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le comportement généreux qu'il avait. ثامنا استحباب إجابة دعوة الداعي ولا سيما لمن لم يحصل بإجابتهم لمن يحصل بإجابتهم جبر خواطرهم وتطمين قلوبهم ما لم تكن وليمة عرس فعند ذلك تجب إجابة الدعوة. Huitièmement, qu'il est préférable, recommandé, de répondre à l'invitation de celui qui t'invite. Et ceci fait partie des droits du musulman envers le musulman. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. Et lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Et c'est encore plus recommandé si ces personnes qui t'invitent, le fait d'accepter leur invitation, eh bien, va leur faire plaisir, va apaiser leur cœur et va faire en sorte qu'ils se rapprochent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, à condition que ce ne soit pas une fête de noces. Car de répondre à l'invitation d'une fête de noces, d'une fête de mariage, al-walima en islam, est obligatoire. Celui qui ne répond pas ou qui ne répond pas à l'invitation d'un mariage, le professeur Hassan a dit faqad asa Abul Qasim. Il a alors désobéi à Abul Qasim qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yanbaghi mulahadhatu al-ahwal fi mithl hadhihi al-munasabat wa tashih an-niyyah. فبذلك يحصل للمجيب خير كثير خصوصا إذا كان المجيب كبير المقام. Et dans ces situations ou dans des occasions comme celle-ci, celui qui répond à l'invitation doit jauger la situation dans laquelle il se trouve et avoir une intention sincère. Et ainsi, il apportera un grand bien, d'autant plus si celui qui est invité fait partie des grands d'un peuple, comme un savant ou comme un cheikh réputé. Eh bien, s'il répond à l'invitation et qu'en plus il profite de la situation pour enseigner aux gens et pour leur apprendre des choses de la religion, eh bien, le bien sera immense. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.